c'est Wrestles Radio, spécial Late Night Wrestles avec Rubenito. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles, où on revient sur l'édition 2016 de Money in the Bank qui avait lieu à Las Vegas. Rubenito est au platine, et pour m'accompagner ce soir dans la quête qui est la nôtre de vous faire aimer encore plus le catch que ce que vous aimez, ce qui est possible, croyez-moi, deux personnes m'accompagnent. Alors le premier est haï de tous, on n'arrive pas à le refourguer à d'autres fédérations, on a essayé. Il est toujours parmi nous, comme le chat, c'est Pierre. Bonsoir Pierre. Salut, très content d'être ici, je suis très content de voir que j'ai des amis, c'est trop bien. Le deuxième a fait un tour d'Europe remarqué, mais moins remarqué quand même que celui de Tristan Archer, parce qu'il a toujours pas été recruté pour être le communicateur de la WWE en France, c'est Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Oro, non j'espère. J'espère qu'un jour j'irai à la 2-2. Bon, pas devant la caméra, sinon ça va vous faire mal aux yeux, mais derrière la caméra. On espère. En tout cas, vous pouvez toujours nous suivre, vous nous suivez là en direct sur YouTube, bien sûr. Et vous pouvez bien sûr participer sur le chat de YouTube, éventuellement avec le hashtag WRLive sur Twitter. Le Facebook, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins en temps réel, on va dire, donc on préfère quand même des réactions sur YouTube et sur Twitter. Alors, donc hier soir a eu lieu l'édition 2007 de Money in the Bank à Las Vegas, donc à la T-Mobile Arena. Il s'est passé quand même pas mal de choses, on peut le dire hein, quand même. Il y a eu quand même des choses importantes qui se sont passées hier soir, notamment un match entre R-Truth et Breezango, non je rigole. Donc ça c'était le pré-show, il y a que Pierre qui l'a vu, donc il va vite fait nous faire un petit topo sur ce qui s'est passé dans le pré-show. On est à toi Pierre, on est tout à toi. C'était chiant, voilà. Bon, le pré-show est terminé. Juste un petit truc en vrai, c'est bien de voir qu'il y a beaucoup... Je te coupe, c'est les pires effets spéciaux qu'on ait vus à la WWE, les fous, les fausses morceaux de peau qui s'en vont du corps de Fandango et... Enfin, on aurait dit qu'ils avaient mis des vêtements, on aurait dit qu'ils avaient mis les maillots de la Suisse en fait. Enfin, je sais pas, c'est bien de voir autant de tag teams, mais si c'est pour les refourguer comme ça et faire des rivalités qui sont vraiment très secondaires et dont on n'a rien à foutre. Quand tu vois les Dudley Boys en pré-show alors que les mecs sont 9 fois champions du monde, ça fait vraiment un peu mal au cœur. Quand tu vois Goldust, même s'il est avec R-Truth qui végète en pré-show dans une rivalité de merde, ça fait un peu mal au cœur. Enfin, voilà quoi. C'est... Quand tu vois que Jericho a perdu contre Fandango à WrestleMania, ça fait mal. T'as toujours mal au cul. Enfin, voilà quoi. Enfin, t'as toujours mal au cul. Ton week-end ne nous regarde pas. On va passer tout de suite au premier vrai match. Enfin, c'est pas le premier match en termes de chronologie dans la soirée, mais on a envie de commencer par ça parce qu'on a deux copains qui sont pas d'accord. Il y a Vince qui a été assez déçu du match et Pierre qui a été plutôt emballé. On va dire ça. Je suis tempéré malgré ma culture marseillaise. C'était le combat entre John Cena et AJ Styles, un match qui a quand même duré 25 minutes, quasiment 24 minutes 10. Vincent va nous expliquer pourquoi il a pas trop aimé ce match, et puis Pierre répondra comme il le peut avec les arguments qu'on sait, c'est les siens, ce petit fourbe. Mais j'ai pas aimé le match, déjà parce que j'avais de grosses attentes, comme c'est un petit peu le match de rêve que pas mal de fans imaginent depuis quelques années, comme AJ Styles c'était le visage de la TNA, John Cena depuis... On n'a pas le droit de citer la TNA. Mais si, on a le droit. Et Cena c'est le visage de la 2 depuis en gros une dizaine d'années. Donc forcément un match avec beaucoup d'attentes, et au final j'ai trouvé que c'était plus un spot fest qu'autre chose quoi. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de psychologie dans le match, ils ont assez vite passé la phase de, on va dire, de jaugeage du début de match, puis après ça a enchaîné les prises un petit peu comme, enfin ils ont voulu refaire un Kevin Owens contre Cena, sauf que ça l'a pas fait quoi. Et en plus j'ai trouvé que la fin était super attendue, et que en plus enfin utilisé deux fois le fait que le, enfin, dans deux matchs différents, deux gros matchs de la soirée, le ref bump, j'ai pas trouvé ça super, quoi. D'accord. Moi, c'est des arguments qui se tiennent, hein, Pierre. Il va falloir que tu sois fort, là. Non, mais je suis d'accord sur les points qu'il ramène, bah, notamment par rapport à la fin du match que je trouve d'un classicisme assez décevant. Par contre, le match, j'ai trouvé assez sympa le rythme qu'ils y ont mis en fait. J'ai pas adoré le match hein, tout de suite, on va dire. Ça, je l'ai juste bien aimé, quoi. J'ai trouvé qu'ils avaient trouvé un bon rythme avec le public, qui c'était un peu saccadé, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ils faisaient des grosses pauses pour laisser un peu la foule réagir. Que derrière, t'avais des grosses séquences où ça tentait de faire des finishers ou de les esquiver. Et du coup, c'était assez sympa de voir tout ça. Et, ouais, sinon, je suis d'accord, quoi. Le ref bump, il est un petit peu triste à voir, mais bon. Je dirais que tout ça, c'est fait pour continuer une rivalité jusque SummerSlam. Ouais. Du coup, ça me gêne pas, tu vois. Non, voilà, ben moi je le prends comme ça aussi. Je le prends comme un premier match, un retour de John Cena. Moi j'ai été quand même agréablement surpris par la condition physique de Cena pour son retour. Après 5 mois et quelques d'absence, c'est quand même pas mal. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que Cena est. Je trouve que, bon, le selling, on sait que c'est pas son fort à Cena, mais je trouve qu'il a quand même bien vendu. La rapidité de AJ Styles. Alors, je sais pas s'il a ralenti exprès pour montrer le fait que AJ Styles était vraiment beaucoup plus rapide que lui, ou si vraiment ça a été. Enfin, je sais pas. J'ai bien aimé ce côté-là du match, et son You Can See Me était, je crois, mythique. Faudra arriver à le trouver en gif parce que franchement, ce You Can See Me, il est mythique. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Vince, mais Oui, pourquoi pas. tu l'as pas vu? Enfin, t'as pas fait gaffe? Non, Il a je n'ai pas complètement raté, spécialement il fait a gaffe. glissé, il lui est tombé dessus, quoi. Oui, non, mais je C'était vous un peu, pas oui. spécialement. C'est C'était pas genre, je suis terrible. épuisé, j'arrive pas à faire une descente de la Bon, main, quoi. en fait, John Cena, il a un petit peu survendu la rapidité de AJ Styles, ouais. Enfin, même un petit peu avant ce You Can See Me, tu vois, il était déjà en train un petit peu de tituber ou quoi, enfin, il arrivait même pas à atteindre AJ Styles avec un coup de poing, donc Alors c'était que un peu le d'habitude, moment c'est du son match, fort quand même. bah, c'était le moment du match où AJ Styles est apparu très très fort, quoi, parce que mettre John Cena dans une telle condition physique, tu le vois jamais, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et sur ce point-là, ça a peut-être rejoint le côté que Vince vendait, c'est-à-dire tenter de refaire Kevin Owens contre John Cena. Mais pour moi, c'était impossible de le refaire, déjà parce que c'est pas le premier match de AJ Styles à la WWE, du coup c'est pas le même contexte, et surtout, ben, le club est derrière et on le savait très bien, quoi. C'était obligé qu'il allait avoir le club pour un premier match où tout a été tourné autour des interventions de Luke Gallows et de Karl Anderson. Je voyais pas ce match se finir en simple 1 contre 1, quoi. Ah, il y a Kinjin, lui, qui nous dit qu'il a vachement aimé le match, bonne combinaison. AJ Styles a vraiment bien vendu le match. Cena, exprès ou non, a bien montré son manque de rythme. Je pense que c'est un peu des deux, moi, quand même, que Cena, bah, je sais pas, le cardio, c'est quand même le plus dur à retrouver quand tu passes de 5 ou 6 matchs par semaine avec la house show à rien pendant 6 mois. Je pense que tu dois le sentir passer au bout de 10 minutes de match, je pense. Ouais, mais Cena, il revient jamais. Enfin, c'est un monstre. Enfin, physiquement, c'est quand même un monstre, même s'il vieillit. Je pense que là, c'était clairement pour vendre AJ Styles, quoi. Et je le vois mal être épuisé pendant un match. Par contre, il a beaucoup parlé. Ouais, Ça, ça c'est insupportable. c'est une des grosses, grosses mauvaises habitudes de John Cena. Il parle énormément pendant ses matchs. Tu Je veux dire pense. comme toi à peu près? Ouais, au moins. Donc Le mec, il coupe la parole de tout le monde. on va laisser la parole à Vince un petit peu. Après, il va réagir à ça, parce que justement, il y a un auditeur, RGIL769, qui nous dit que c'est dommage que Style il gagne pas à clean ce match. T'en penses quoi, toi, Vince? Pour la suite, c'est peut-être mieux qu'il gagne avec un rebondissement, même si tu n'aimes pas ce rebondissement-là, c'est peut-être mieux, non? Ouais, j'aurais préféré aussi une victoire clean, quoi. Après, Oui, mais clean, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cena demande son rematch et Style, en tant que heel, peut lui dire, bah non, je t'ai battu, je m'en fous, tu vois? ouais, bah voilà. Mais après, je sais pas, ça a été mal amené aussi le match. Il n'y a pas eu forcément de préparation particulière pour amener le match, quoi. C'était plus Bon, allez, on fait ça, on fait ce match parce qu'il faut un gros adversaire pour le retour de Sino, quoi. Alors moi, par contre, en dehors de ça, j'ai adoré la promo de John Cena, pas celle de son retour, mais celle de la semaine d'après, quoi. À Raw, franchement, c'est peut-être l'une des meilleures promos des 5 dernières années qu'a fait John Cena, Celle pour moi. où il clash un petit peu avec Jesse sur le Ouais, fer. Ouais, carrément. elle était pas Franchement, mal. C'était il y un avait de bon contre. l'intensité, le texte était bon. Après, avec le public, on sait que Cena, c'est peut-être le meilleur au micro, en tout cas dans la réaction qu'il peut. Enfin, non, je pense que c'est parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, donc forcément, il est meilleur au micro, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est le premier qui a pu ramener toutes les fédérations, sauf la TNA évidemment, parce que la WWE s'amuse à les ignorer, mais c'est le premier à avoir pu parler NJPW et autres fédérations par lesquelles est passé AJ Styles avant d'arriver à la WWE, quoi. Ouais. Bon, à part ça, dans le match, vous avez retenu un move qui vous a marqué, un truc bien particulier, un truc sympa. Ah bah, on a Désolé, entendu c'est ma AJ. sonnerie de portable, On excusez-moi. a entendu AJ Styles là. C'est ma sonnerie de portable. Allô? Allô AJ? Ouais, ok. Bref. Sinon, un move, moi, pas particulièrement. Je trouvais que le match n'offrait pas non plus d'énormes spots. Même si, enfin, on a vu toute la panoplie classique. Je trouve que c'est le match en général, en fait, qui tient bien, quoi. Il y a quand même eu l'esquive, je trouve, l'esquive de Cena sur le plongeon de Styles qui est pas trop mal. Enfin, je trouvais que la chute était assez marquante, mais enfin, par rapport au reste du match, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de moment. Oh my god! D'accord. Et donc, si vous deviez donner une note sur 10 à ce match-là, ça serait quoi? Sachant qu'on va dire que 1, c'est match médiocre, et 10, c'est exceptionnel, 5, on va dire que c'est moyen, et 6, satisfaisant, 7, bon match, quoi, on va dire. Ouais. 7. 7 pour toi, Pierre, et pour toi, Vince? Ouais, pareil. Ah, mais tu mets quand même un 7. Oui, bah, ça Un reste un truc bon décevant, match. c'est pas mal quand même. Oui, enfin, après, par Déçu rapport. sur la fin. Voilà, déçu sur les attentes, mais ça reste un bon match, quoi. D'accord, moi j'aurais mis 6, tu vois. donc bon, on va passer au match suivant. Donc c'est, j'ai envie de parler là du Fatal 4-Way pour le titre par équipe. Le New Day donc rencontrer Vaude Villains, Enzo et Cass, Luke Gallows et Karl Anderson bien sûr, le club. Match qui a duré, enfin qui était court hein, pour un match par équipe à 4. En 11 minutes 43. Alors moi, je parlais tout de suite du fait que j'aime pas du tout ce genre de match Fatal 4-Way par équipe parce que c'est le bordel. Tu sais pas vraiment qui est dans le ring et qui l'est pas, qui a le droit de prendre le tombé, qui a pas. Et puis là, bon, je sais pas, j'ai pas trop particulièrement aimé ce match. Hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, Pierre, mais. Pour une fois, on va être d'accord, mon grand. Enfin, je trouve ça dommage qu'avec autant de qualité in-ring potentiel, en fait, tu te retrouves avec un bordel pas possible, un match confus. Enfin, je sais pas ce que t'as pensé du tombé, toi qui es un spécialiste des personnes Du assommées trop chipotage. longtemps. Mais Ah ouais, non, non, Aiden ah non, je English peux qui pas, je reste peux pas, moi. 10 ans assommé avant de se Le prendre le pire, c'est que je suis même pas sûr que ce soit lui qui soit Mais régulier pour être dans le ring, quoi. moi aussi, je suis pas sûr que c'était lui. Je crois que moi, je pensais qu'en fait, je crois que c'est Gallows. Je sais plus Ouais, c'est. je crois que c'est un du club ou qui Enfin, un devait du prendre club le tombé. qui tag Voilà. English. Et du coup, normalement, enfin voilà quoi, English, il est en dehors du match quoi. Ouais, ça va être. Et finalement, c'est lui qui prend le tombé. Bon, voilà. Après, Après. à sa décharge, c'est comme la main de Maradona, c'est pas facile à voir pour l'arbitre. Ouais, voilà. Ouais, enfin, ouais, je suis d'accord pour dire que le match était trop brouillon pour en dire quoi que ce soit, parce que bon, en soi, in-ring, il n'y avait rien d'exceptionnel. Je noterai quand même le charisme naturel de Big Cass qui m'impressionne de semaine en semaine. J'étais pas du tout. Parti pour aimer ce mec-là, mais je trouve que franchement, même quand il a été en solo par la force des choses, par la blessure de Enzo, il a montré des choses qui sont intéressantes pour la suite, hein, parce que c'est pour le coup, lui, c'est vraiment un vrai rookie. Hein. Ah bah ça c'est Vince qui va t'en parler le mieux peu de soft. Hein. Allez, vas-y, vas-y, C'est Vince. vrai que quand il a fait élu son hot tag, c'était assez intéressant. C'est même sûrement le match le plus, enfin, le moment le plus intéressant du match parce que le reste est assez, on va dire, commun par rapport à ce qu'on a d'habitude. Mais ouais, c'est vrai que même je trouve que même Enzo, je trouve qu'il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Pourtant, il est beaucoup, il est comme Cass, il est très très débutant quoi. Après, j'aurais bien aimé avoir les deux Dudley dans ce match plutôt que par les Vaudevillians par exemple. Je pense que ça aurait été peut-être mieux au niveau de la qualité du match, mais après, Une j'avoue tristesse que absolue, cette équipe. ouais, un petit peu. Ouais. Ouais, c'est dommage, j'aime bien Aiden English. Enfin, avis perso, mais je trouve que Aiden English, il est cool sur le ring. Et je trouve ça dommage qu'il se fasse enterrer dans une équipe pareille, quoi. Ouais, je sais pas, je pense qu'aucun des deux n'a le charisme pour aller plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui, Ils ont pas honnêtement. été aidés non plus, hein, faut le dire que. Non, mais je pense que c'est juste naturel, c'est leur gimmick, c'est leur. Il n'y a rien qui accroche, quoi, en fait. C'est ça le problème avec ces deux gars-là. Après, dans le ring, ils sont peut-être très bons, j'en sais rien. On les a vus que comme ça, mais moi, j'ai vraiment des gros doutes sur la gimmick, quoi, en fait. Hein. C'est le catch à papa, comme dit Christophe Ajus. Du coup, bah, si on doit noter ce match, moi, pour ma part, c'est un 4. Je sais pas ce que. Ouais, moi je pense que je vais te suivre sur la note. En ajoutant un petit truc, je trouve dommage que le New Day gagne probablement le record du plus long règne de tag team sur ce match en fait. Parce que je pense qu'au prochain pay-per-view, ils auront dépassé Kendrick et London. Et je trouve ça dommage que leur dernier match avant le dépassement du règne n'ait pas été plus important. Au moins que ce soit un affrontement individuel, quoi, contre le club ou contre Soft, ça aurait été mieux, je pense. D'accord. Donc 4 aussi. Après, il y a Edery Ruben, joli prénom Ruben. Et là, il y a un gros botch entre Enzo Amore à son truc contre Kofi Kingston pour le tomber. Eden English était bidon. Et Kinjin nous dit match moyen, mais logique, trop de monde. Il a bien kiffé les moves entre Kofi et Amore. Et à un moment donné, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une bonne session entre les deux. Et Ergil 709 nous dit le New Day ne s'essoufflerait-il pas un peu trop malgré leur pop? Si moi je suis un peu d'accord avec ça quand même, hein. Le New Day, moi je trouve qu'ils sont plutôt dans une phase descendante et qu'il faudrait qu'ils trouvent quelque chose de. Après, je pense qu'ils ont le talent C'est pour dur, hein. trouver. Non, je pense qu'ils ont le talent pour trouver quelque chose qui les relancera encore une fois, quoi. Moi, Mais j'ai l'impression que c'est juste les gens qui se lassent, quoi. moi j'ai juste l'impression qu'ils font toujours la même promo. Et ça me gêne un petit peu. Ah non! Ah non, la promo d'avant-match, là, elle était cool. Ouais, bon. Enfin, attends, la comparaison Chewbacca, enfin, moi, je la trouvais très drôle. Oui, bon, bah Je ouais, trouve il qu'ils ont bien clashé à ce moment-là. Et, enfin, tu peux pas non plus demander à une équipe comme ça de, enfin, les mecs ont quand même pas mal recréé, la division tag team avec un côté, trash talk. Et, enfin, je trouve que c'est exagéré de dire, ah, les New Day s'essoufflent. Je trouve que c'est juste qu'ils restent à leur niveau et qu'ils n'ont pas fait un truc de ouf à nouveau, quoi. Mais en ouais, dehors de ça, peut-être. ça reste divertissant. Il y a des hauts et des bas comme dans toute équipe, quoi. Et toi, Vince, ton avis un peu global sur le New Day? Je trouve qu'en fait, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel de quelque chose de moyen. Et du coup, comme là, on commence à se lasser de leur promo. On se lasse de l'exceptionnel, c'est incroyable. Non, non, mais disons qu'on voit plus les défauts que. Enfin, pas les défauts, mais je veux dire la pauvreté de ce qu'on leur donne, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, ta note du coup sur le match? 4 comme vous. 4. Ouais, dis donc. On va passer à un autre match qui va être super bien noté, je pense. C'est le Rousseff contre Titus O'Neil. Enfin, voilà. Je sais pas si on doit en parler trop longtemps, mais voilà. Tristesse de Titus O'Neil. Bah, bonne Dans fête le des ring, pères, il est. Benito. Ah ouais, mais 8 minutes 30 de calvaire absolu. Voilà. Ça fait mal, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça fait mal. Moi je dis, si cette rivalité avec Titus O'Neil c'était juste pour faire le bonne fête des pères à la fin de Rousseff, je crie au génie. C'est tout. Ouais, bon. S'ils ont fait ça juste pour ça, moi je dis, allez-y, faites ce que vous voulez, vous êtes en roue libre, les Non, mais gars. après Rousseff, là, il est en train de gagner un petit peu en crédibilité. Ça lui fait du bien, hein, de retrouver Lana, de retrouver un statut qui est quand même plus adapté à son physique et à son catch. Mais bon, je suis pas déjà un grand fan de Rousseff de tout temps. Et là, contre Titus O'Neil, waouh, le pauvre, quoi. Sais pas ce que t'en penses, Vince. T'as rien à dire, t'es bouche bée. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi Titus O'Neil a un match de championnat, mais. Alors le mec qui se prend une suspension. Non mais le mec qui se prend une suspension de 60 jours parce qu'il bouscule Vince McMahon, Il revient et de nulle part il a un match pour le titre, quoi. Est-ce C'est que c'est parce incroyable. que Batista a râlé? J'en sais rien. Batista, il a plus aucun pouvoir, je pense, à la WWE. Mais... C'est tout simplement, à mon avis, un mec qui était en roue libre et qui s'est dit « Oh tiens, c'est le jour de la fête des pères. » Ouais, je pense Titus que c'est ça. O'Neil, c'est le mec des promos fête des pères, donc allons-y. on va y aller, on va faire un truc. Hein. C'est voilà. Bon. Je pense que ça va pas plus loin hein, pour le titre des États-Unis. Le mec se casse pas les couilles. Hein. Bah, c'est assez con, parce que franchement, bah, je le dis souvent dans les potes, John Cena, il a quand même sué pour faire de ce titre un truc reluisant, et là, en un an, quoi, c'est la déchéance, quoi. C'est une pire déchéance que la carrière de Damien Sandow, quoi. Enfin, bref. Y a Kinjin qui dit, je kiffe Rousseff. Ah bon? Désolé. Mais j'ai zappé pour Titus. Et Ergil 709 qui nous dit, il faut que Rousseff retire ses bottes. Mais ah, faut savoir. Ah non, moi je trouve que les bottes, ça lui a enlevé tout son charisme, mais bon. Ah ouais? Ah, ah ouais. Putain, il y en a qui disaient l'inverse il y a un an, donc. Ah non, moi je trouve qu'il faut trouvais qu'il ça bizarre qu'il avait pas de bottes, mais bon. Bon, on va passer à la note du match. On lui met 3, enfin pour ma part. Bah moi ouais, je vais lui mettre 2, j'aurais mis 1 s'il n'y avait pas eu la blague de la fête des pères. Ouais. Donc on va mettre 2. Et toi, Vince? 1, parce que j'ai été pissé pendant le match. D'accord. On rappelle qu'il faut manger et pisser, mais pas en même temps. Bon, on va faire un peu tous les matchs qui servent. On va faire un peu tous les matchs qui servent à rien. Donc là, on a le Baron Corbin, Dolph Ziggler. C'est vrai que quand tu regardes la carte un peu de loin, à part les trois main events, ça pique un peu à côté, quoi. Un petit peu une récurrence à la WWE en ce moment, c'est deux ou trois gros matchs entourés par des matchs bouche-trou pas terribles, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Donc du coup, ouais, le Baron Corbin Dolph Ziggler, c'est peut-être le meilleur de leur série, mais c'était bof quand même. Hein. Ils ont pas une bonne alchimie les deux-là. Je comprends pas pourquoi ils étirent la rivalité sur aussi longtemps, quoi. Bah voilà. Moi j'ai envie de laisser Vincent en parler. Bon, allez, va. Merci, merci. Je sais toujours pas pourquoi il y a eu un troisième match non plus là. Est-ce que tu regardes? Mais est-ce oui, que tu sais. Est-ce que tu regarde. Sais ce qui se passe? Oui, je regarde, malheureusement, mais je comprends toujours pas pourquoi Ziggler il est en pré-show, il est plus en pré-show. Franchement, ça me saoule. Pourquoi bon, Ziggler il essaie de s'habiller comme Shawn Michaels, faire le switch de musique? Pourquoi Ziggler il est pas parti? Parce que si vraiment ça le saoule d'être à deux. Ah bah là, ils font rien pour arranger les choses, hein. Puis bon, Ziggler, il devait être en train de déprimer quand ils ont pas arrêté de parler de son cash-in exceptionnel de Money in the Bank. Ouais. Son cash-in de 2013 qui était si vraiment vous aimez un Mark Moment, quoi. Allez voir l'Euro du lendemain de WrestleMania. C'est probablement un de mes meilleurs Mark Moment, d'ailleurs. Enfin, à ce moment-là, j'avais bien kiffé, mais enfin, le mec, il doit être en dépression, quoi. C'est pas possible. Je suis assez d'accord. Donc bon, on va même pas le noter, celui-là, de match. Non. En vrai, tu vois, le match, il est pas dégueulasse. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est le moins mauvais de la série, mais. Tu vois, comparé à Titus, là, je mets un 4. Tu vois, je mets un petit 4 sympa, tu vois, parce que ben, les mecs ont pas non plus rien fait, mais globalement, en fait, tout le monde s'en fout, donc c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Et que le problème, c'est que nous aussi, on s'en fout, donc on passe à la suite. On va passer au match féminin, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elles en prennent pas, elles aussi, plein la tronche. Donc, c'était Dana Brooke et Charlotte qui battent Natalia et Becky Lynch dans un tag team match de 7 minutes tout rond, avec à la fin un heel turn incroyable de Natalia. Ouais, je survends un petit peu à la Marseillaise, là, pour le coup. Ouais, pareil, 7 minutes, enfin, on est retombé dans les travers de l'époque où les catcheuses se faisaient appeler des divas, quoi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Vince, mais je trouve que c'est un petit peu ça, quoi. Il y avait pas les Bella dans ce match? Non. Parce que malheureusement. Putain, un match par équipe avec la championne qui défend pas son titre. C'est super Nikki Bella, ça. Ouais. C'est triste. Mais j'ai non, pas grand-chose non plus à dire. C'est triste pour les filles, parce que pareil, il y en a quelques-unes qui se sont levées le cul pour que les choses changent, et puis finalement, petit à petit, pay-per-view par pay-per-view, ça redescend. À noter, pour le petit point statistique, hein, vu qu'il n'y a personne pour faire ça depuis Chrono n'est plus là, ouais, c'est, quand, c'est, C'est quand même l'un des matchs les plus courts de la soirée. C'est même le deuxième match le plus court. Le seul match qui a été plus court, c'est Breezango contre Golden Truth. Oula, super cet accent. En pré-show. Non, faux. Et... Ah ouais? Le match le plus court de la soirée, c'est Dean Ambrose Seth Rollins. Mais on y reviendra plus tard. Ah non, mais enfin là tu 9 triches. Mais... secondes. Eh, En 9 match secondes. prévu. En match prévu. Ah oui, non, mais attends. Enfin, bref. Enfin voilà, mais. Enfin, on va dire en match calibré, prévu, un truc, un segment, une chose qui n'est pas un segment. Breezango contre Golden Truth, c'est le match le plus court de la soirée. Le deuxième, c'est le match des Divas. Des Divas, putain, ça y est. Bah, tu vois, de la faute de ça, je ne dis plus femme, je redis Diva. Alors que je ne dois pas le dire. Mais non. Ça veut tout dire. C'est, enfin, tu reviens en arrière, Ah, voilà, c'est ça. c'est super chiant, quoi. Ça, pourtant, pareil, dans le ring, il y a quand même quatre bonnes catcheuses, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Hein. Comme dit Ruben sur le chat, faut mettre Sasha Banks en avant face à Charlotte. C'est sûrement ce qui va arriver. Je pense que là, c'était pour conclure tout le côté Natalia ou Becky Lynch avait une chance. Non, mais je pense Mais qu'ils veulent là, absolument faire ça pour pour SummerSlam. SummerSlam. Donc ils attendaient, ils ont mis un peu Sacha au frigo en attendant, et puis voilà quoi. Ouais, voilà. Moi, si j'ai une note à donner sur ce match, ça serait un petit 4 aussi encore, parce que bon, malgré le temps qu'on leur donne et tout, elles essayent de faire quand même quelques prises. Mention spéciale à Becky Lynch qui a amené une bonne intensité dans le match, mais pas assez longtemps, quoi. Je trouve. Ouais, moi je vais mettre 3 parce que je trouve que c'est dramatique globalement. Enfin, que ce soit Natalia ou Dana Brooke, les deux, je les trouve vraiment pas au niveau. Surtout Natalia qui me déçoit depuis le post-WrestleMania et sa rivalité avec Charlotte. Il y a que Becky Lynch, ouais, qui essaye de sauver quelque chose de ce match. Puis bon, après t'as un heel turn qui sert à rien. Donc, enfin aujourd'hui je suis en mode rageux, c'est trop bien. Ah ouais, je vois ça, je vois ça. L'enchaînement des matchs, il m'a vraiment. Enfin, Et toi, Vin, si les tu petits dois matchs mettre m'ont une note? désespéré, quoi. Un petit 3, voilà. Parce que Petit j'ai pas 3. envie de voir ça. Ah. C'est quand même con. C'est quand même con, hein, d'en arriver là, là où on en était, quoi. Ça a bien changé tout ça. Ripper la révolution. Ouais, bah, c'est une révolution. C'est une révolution, l'OM Khomri contre la CGT, quoi. Truc qui fait pchit. Tu entames des conversations bizarres. Ouais. Bref, on va passer encore à un Tu vas te match faire mal. sympa, le Apollo Crews contre Sheamus. Alors moi, pour le coup, Apollo Crews, je le connais pas trop en dehors des quelques matchs qu'on a vus récemment. J'ai pas trop suivi l'époque NXT et puis l'époque Indie, je connais pas. Donc je m'attendais vraiment à un truc incroyable et je suis un petit peu déçu. Mais bon, je donne quand même sa chance au produit. J'attends de voir ce qui va se passer pour la suite pour lui, quoi. Je sais pas ce que Vince peut en dire de ce mec-là. Je sais que tu le connais depuis plus longtemps que moi et que tu l'as suivi un petit peu plus que moi, mais je sais pas. Je suis déçu pour hier, mais je lui donne quand même du crédit pour l'avenir, quoi. Mais il vaut quelque chose, mais le problème c'est que il a pas de personnalité quoi. Et comme on lui a rien donné non plus pour dire On lui de a dit se tu seras démarquer. président, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et Sheamus, il fait plus grand chose depuis un moment aussi, quoi. Et sur le match en lui-même, t'as quelque chose à en dire? Moi j'ai trouvé que c'était correct, quoi, mais Ouais, après c'est c'est. pas mal. Quand même, Sheamus, il apporte quand même toujours une Ouais, intensité, voilà. un côté stiff qui fait que ces matchs, ils sont jamais bidons. Il y a toujours quand même quelque chose, c'est quand même assez agréable. Voilà, après, c'est peut-être pas assez de rivalité, pas assez d'exposition, pas assez d'intensité dans ce qui se passe entre eux pour que ça devienne un match fou, quoi, hein, Pierre. Bah, je suis d'accord. Je trouve que c'est dommage de sous-utiliser, pardon, de sous-utiliser Sheamus comme ça. Je trouve aussi dommage de voir quelqu'un se dégager d'un white noise depuis la deuxième corde pour reprendre un petit peu le côté old school de Stone Cold. Je trouve ça dommage en fait de se dégager de finish comme ça, surtout pour un match aussi court, quoi. Je Ouais, c'est trouve. vrai. Et puis surtout qu'il enchaîne de suite avec le tombé, donc en fait il est Ouais, pas sauvé, voilà. alors qu'il se prend une prise quand même assez intense, assez, enfin, assez puissante. Ouais, ça décrédibilise un petit peu tout le truc, je trouve, et c'est dommage. Voilà, sinon, pas Ouais, grand-chose à dire. non, ça continue à se rythme-là, dans un quart d'heure on est au lit, hein. Bah écoute. Heureusement qu'on a un peu plus de choses à dire sur les choses qui arrivent, notamment. T'as pas donné ta note, Vince, si? Personne d'ailleurs. Personne. Moi je mets un 5 parce que bon, parce que par rapport au match d'avant, je peux pas mettre moins et voilà. Moi je vais mettre un 4 parce que c'est pas un match qui a quelque chose à faire en pay-per-view quoi. Même si j'ai rien contre les deux mecs, hein. Pareil, 4. Surtout à cause du finish, en fait. D'accord. C'est un finish qui fait qu'on peut avoir encore un retour à Battleground Oh là dans pas là. longtemps, quoi. Enfin. Je dis oh là là, parce que je sais qu'ils vont rien construire autour des deux pendant 3 semaines et qu'ils vont te refoutre le match ni vu ni connu, je t'embrouille quoi. Bon. C'est hyper chiant quoi. Je sais pas si tu veux lancer un débat comme ça, Rubén Itô, mais Vas-y, j'ai vas-y. lu il y a pas longtemps que la WWE voudrait mettre encore plus de pay-per-view par an, genre à peu près deux pay-per-view par mois. Et Oui, est-ce un que, SmackDown et un Raw quoi. ouais, en gros, avec le roster split, est-ce que s'il n'y a pas ce nombre de pay-per-view par an, on va pas avoir à chaque mois des matchs comme ça qui servent entre guillemets à rien, où il n'y a pas de rivalité développée? Et du coup, est-ce qu'on est obligé de. Est-ce que payer 9,99€, 9,99€ du coup, nous un peu plus comme c'est des euros, ça nous oblige pas à avoir des matchs comme ça qui servent à rien pendant les pay-per-view, quoi. Ouais, si, moi je suis assez d'accord, hein. Ça sert à rien de doubler le nombre de pay-per-view, c'était très bien comme ils faisaient avant, un mois l'autre, et faire 4 ou 5 pay-per-view dans l'année où tout le monde se rejoint, je trouve que c'est très bien, quoi. En plus, Le pire, le pay-per-view a duré 3h30 à peu près, je crois. bah, le pire en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont en train de négocier avec les télés, les rares télés qui sont encore en train de vendre en pay-per-view. Ils sont en train de négocier pour pouvoir terminer à l'heure qu'ils veulent. Et donc ça, plus le fait que SmackDown va sûrement dépasser, enfin va sûrement passer à 3 heures, tu vas te retrouver avec un contenu par semaine qui, enfin, ça va être de la surdose quoi. C'est, on va en bouffer de la WWE jusqu'à en vomir. Et je trouve que c'est une très très mauvaise idée déjà parce que bah les 3 heures d'Euro, tout le monde les critique. Les 3 heures de SmackDown, tout le monde va les critiquer. Et si on part sur 3h30, 4 heures de pay-per-view toutes les 2 semaines, enfin, Après, moi, vous pour allez le en coup, revenir. le fait que Pardon. ça dure pas 3 heures pile, je trouve ça bien parce que du coup, ça rajoute un petit peu de surprise, quoi. Parce que avant, on se disait, bon, bah, il est, ça, le pay-per-view, il dure 2 heures, depuis 2h58, dans 10 secondes, c'est fini. Tandis que là, on le sait pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça rajoute, Mais tu moi, vois, toutes les deux ça m'est déjà semaines. arrivé dans un main event d'appuyer sur pause et de dire, bon, mais bah, il reste 5 minutes, je sais que c'est fini. Quand tu sais pas combien de temps ça va encore durer, ça rajoute un petit peu de l'intérêt quand même à la chose, quoi, je trouve. Après, bon, c'est un avis perso, hein, c'est pas un débat incroyable qu'on a. Pense quand t'es devant ta télé, enfin, en tout cas peut-être pour nous oui, mais pour les Américains, le mec est devant sa télé, il regarde le truc. Je pense pas que forcément il regarde l'heure. Si le match, le main event est passionnant, tu vas pas regarder l'heure pour voir. Oh merde, il reste 2 minutes. Il va bien, ça va bientôt finir, quoi. Bah, un coup comme hier soir, oui, tu vois. Tu peux te dire bon bah Dean Ambrose il va pas arriver parce que c'est fini. Tandis que là enfin bref. On en reparlera quand tout ça arrivera, non? Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Ce n'est que spéculation. Donc on va passer au Money in the Bank, Ladder Match, qui opposait donc Dean Ambrose qui l'a remporté à Kevin Owens, Cesaro, Alberto Del Rio, Sami Zayn, et j'oublie qui? Chris Jericho. Comment l'oublier, l'inventeur de ce match. Un match, enfin moi pour moi c'est peut-être le meilleur Money in the Bank des dernières années. Enfin en tout cas c'est l'avis que j'en ai eu, un truc assez inventif, assez créatif. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de moves qu'on n'avait pas vraiment vus, ils ont pris beaucoup de risques et match qui a quand même duré 21 minutes presque 22, assez intense. J'ai trouvé ça franchement. Ouais, j'étais très emballé par ce match-là. Mention spéciale pour moi à Alberto Del Rio qui a fait un travail excellent dans le ring. Cesaro et Del Rio sont les architectes de ce match-là. Et puis les quatre autres s'occupent de faire les spots intéressants et tout. Mais franchement, Del Rio dans le placement, dans les prises qu'il a portées, dans l'intensité qu'il a amenée. D'ailleurs, apparemment, il s'est un petit peu blessé hier soir. J'ai trouvé ça, franchement, je l'ai trouvé vraiment à la hauteur. Et c'est son premier match peut-être depuis son retour où il m'emballe quoi. Alors que je suis plutôt un fan du gars. Alors toi Vince, t'en as pensé quoi de ce match-là? Je suis du même avis que toi en disant que Cesaro et Del Rio ont vraiment été les deux qui se sont le plus démarqués dans le match. J'ai vraiment bien aimé la série de Giant Swing là de Cesaro quand il chope ses adversaires par les jambes et qu'il les fait tournoyer, surtout quand il envoie Jericho dans l'échelle. Alors j'ai trouvé que certains spots étaient on les voyait arriver quoi, surtout au début du match, peut-être parce que ils étaient pas encore dedans et du coup c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Même enfin Kevin Owens aussi, il sort encore une sacrée performance. Après, s'il faut parler de la victoire de Dean Ambrose, je pense qu'on peut tous dire que c'était attendu. On voyait mal quelqu'un d'autre en dehors de Ambrose et Owens remporter le match, surtout Jericho. Mais ouais, sur super super match. Est-ce que c'est un des meilleurs Money in the Bank des dernières années? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très bon match. Moi, j'ai cherché dans ma petite mémoire de Merlan Free et j'ai pas trouvé de là récemment en tout cas j'ai pas trouvé de ladder match qui m'a autant emballé que celui-ci. Il y en avait eu un de SmackDown, je crois que c'est l'année où Daniel Bryan le gagne, qui avait été quand même plutôt bon, voire très très bon, mais je pense pas qu'il était quand même au niveau de celui-ci. Après je trouve que 6 c'est le nombre parfait pour un Money in the Bank parce D'ailleurs, que il devait y avoir un septième participant, Kalisto, et finalement ils l'ont pas mis dedans. Pourquoi? ouais, Je sais pas. Mais... je pense que ça suffit largement 6, surtout quand t'as 6 mecs comme ça. Le problème de Kalisto, c'est qu'il aurait fait des spots sûrement beaux, mais qu'à aucun moment il est crédible pour avoir la mallette. Donc ça fait un participant où tu sais que ça gagnera pas. T'as déjà Jericho, tu sais que ça gagnera pas. Sami Zayn, il y avait de grandes chances que ça gagne pas. Bah voilà, ça fait beaucoup, je trouve. Et Kalisto a tendance aussi à beaucoup botcher. Hein. Alors, Malgré... parlant de botch, faut absolument, je suis désolé, je reviens sur le match par équipe. La fin du match par équipe, elle est dramatique dans le sens, tout à l'heure tu disais Pierre que je chipote souvent, et là il y a un gros chipotage à faire, c'est-à-dire que t'as Luke Gallows qui attend que Big Cass revienne dans le ring, et il intervient pas sur Big E qui est en train de porter le Big Ending à son pote en fait. Et je trouve que c'est ridicule, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai vu ce Pour spot moi c'est aussi, j'ai un rien énorme dit tout à l'heure, mais ouais. c'est vrai que c'est. Mais tu comprends pas pourquoi le mec il attend alors que son pote est en train de se faire défoncer, quoi. Ouais. Et il les regarde et tu vois qu'il attend que Big Cass doit monter sur le ring. Et Big Cass monte pas. À mon avis, il y a un arbitre qui doit lui dire, allez, dépêche-toi, monte. Et il monte et bon, le spot prévu se passe. Sauf que Karl Anderson est resté bien 10 secondes sur les épaules de Big E juste devant Luke Gallows qui intervient pas, quoi. Et ça, ouais, ça pour la dramaturgie d'un match, c'est dramatique. Bref, revenons au Money in the Bank et on donne la parole à Pierrot le Fou. Bah en fait, j'ai rien à dire, vous avez tout dit. Enfin, Rubénito, je Bon, sais pas là ce on qui se passe au passe. main event, Non, merci. mais vraiment, Rubénito, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais je suis vraiment trop d'accord avec toi pour que ce ne soit pas louche. Qu'as-tu fait? Mais rien, c'est toi Qu'as-tu peut-être qui fait? a enfin ouvert ton esprit et est venu du bon côté de la force, peut-être. Marabout, sorcier! Non, mais alors, bah, dis un peu plus en détail ce que tu penses. Non, j'ai rien de plus à dire. Enfin, Del Rio, il a été excellent. Le match, il est très bien foutu. Il y a juste la fin que j'ai trouvé un peu plus brouillonne. Il y a peut-être juste ça, mais sinon, le reste, il est cousu de fil blanc, mais de manière positive. Donc, ça a été très Oui, c'est divertissant. du beau fil en nylon, quoi. C'est pas de la ficelle de boucher, quoi. Exactement. Et bon, la victoire d'Ambrose, elle était prévisible, mais elle reste satisfaisante, quoi. Donc. Enfin, ça fait plaisir de le voir gagner des gros matchs en pay-per-view, quoi. C'est vrai, non, mais ça, c'est agréable pour ça. Moi, je suis un peu plus mitigé pour la suite, mais c'est vrai que pour la victoire d'Ambrose, c'est quand même cool. Il y a Let's Go Japan, qui est un habitué de Wrestles Radio qui nous dit Del Rio a toujours été bon quand on lui en donne les moyens avec de bons adversaires, ce qui est vrai. Sauf que là, je trouve que ce qui était intéressant, moi, dans le match de Del Rio, c'était, je sais pas, je trouvais qu'il était intense. Je trouve qu'il a jamais été aussi en forme physiquement que ce qu'il est là, je veux dire, au niveau de sa musculature. Et avant, il était peut-être un peu plus large que ça, un peu plus lourd. Et là, il est sec comme jamais. Et il y a Ergil 709 qui nous dit que Cesaro et Alberto mériteraient une feud pour un titre, ce qui n'est pas faux. Pourquoi pas le titre par le titre intercontinental qui n'est pas défendu. Petit point à rajouter. Voilà. Et Ruben qui nous dit WrestleMania 24, à mon avis, il doit parler du fait que je disais qu'il n'y a pas de Money in the Bank récent qui est bon. Mais pour moi, un truc qui a 12 ans, enfin, non pas 12 ans, mais 9 ans, c'est pas récent, quoi. Je disais ces 5 dernières années. Donc, Ruben, j'aime bien ton prénom, mais j'aime pas ton intervention. Et donc, Virgile79 qui nous dit le truc énervant, c'est quand il monte à la 2 à l'échelle. À 2 à l'heure à l'échelle. À 2 à l'heure. Ouais, enfin, je trouve qu'ils l'ont moins Ils fait l'ont que moins dans fait, leur ils ont match. plutôt sprinté même à des moments. Ouais. C'est justement ce que j'allais rajouter sur Del Rio. En fait, plus que l'intensité, je trouve que tout ce qu'il faisait avait un sens C'était juste. et était pas exagéré. Et du coup, ben, même quand il montait l'échelle, ça avait un sens. Il y a juste les moments où ils étaient 6, où forcément, enfin, les gens, ils sont obligés d'en faire des caisses parce que c'est un petit peu comme un match en cage, c'est-à-dire t'es obligé d'en faire des caisses sur le suspense de qui va sortir et dans le cas d'un des deux matchs et sur qui va attraper la mallette quoi. Et du coup t'es un petit peu obligé d'en faire des caisses. Mais sinon plusieurs fois les mecs ils ont monté assez vite l'échelle, ils ont plutôt bien vendu le truc. Il n'y a que C'était Jericho cool quoi. qui a pris son temps Ouais. plusieurs fois, qui avait l'air de kiffer le fait Non. qu'il était tout seul. Il y a une seule fois, il l'a monté à une vitesse de Ouais, ouf. je pense qu'il a battu le record du Il a monde. fait l'inverse, c'est-à-dire le mec, il a sauté trois marches par trois marches, quoi. C'était Non, dingue. après, il y a quand même des spots de fou, hein, la T-Bone suplex, enfin pas la T-Bone suplex, mais je ne me rappelle Blue plus comment ça s'appelle. Thunderbomb. Ouais, voilà, sur l'arrêt de l'échelle. Le splash de Kevin Owens qui fracasse les échelons, c'est la première fois qu'on voyait ça quand même. Il y a quand même des prises assez incroyables, quoi. Il y a le DDT, enfin le Dirty Deeds, un peu façon Randy Orton, avec les pieds sur l'échelle. Non, franchement, il y a quand même des spots de fou, hein, Vince. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y a vraiment des spots intéressants, surtout entre Kevin Owens et Sami Zayn, bizarrement. Mais On en revient tout le temps à ça en fait. Dans tous les matchs où ils sont tous les deux, on a toujours une partie où ils font un match solo, quoi. C'est assez cool, je trouve. d'ailleurs, je pensais qu'avec Extreme Rules, ils allaient leur donner un match solo entre les deux, comme ils ont eu Je l'habitude pense que sur ça attend les. SummerSlam là aussi. Ouais, je pense aussi un gros match entre les deux pour finalement conclure la rivalité. Mais ouais, il y a vraiment franchement des bons catchers là-dedans. D'ailleurs, dans un sens, pourquoi The Miz n'a pas été là-dedans? Ah, parce qu'il est déjà champion, je pense. Ouais, possible. Ouais. D'ailleurs, il a totalement disparu alors qu'il y en a certains qui ont eu des matchs de pay-per-view, mais. Ouais, Oh, c'est non. dommage d'avoir laissé le titre intercontinental de côté comme ça, tu vois, ça. Surtout pour mettre un Titus O'Neil, Raya Ouais. Rusev ou un Apollo Crews Sheamus. Mais quelque part, c'est bien parce que ça brise pas la dynamique qui avait été créée avec les trois autres et ça permet de, tu vois, de relancer Cesaro dans la rivalité intercontinentale et pourquoi pas aussi Kevin Owens et Sami Zayn. Tu vois, ça te permet de garder les possibilités de revenir là où tu en étais, quoi. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux et éventuellement à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Est-ce qu'à un moment donné du match, vous vous êtes dit, bah tiens, c'est quelqu'un d'autre que Ambrose qui va remporter la mallette, ou est-ce que pour vous, dès le début, c'était Ambrose, c'était signé, ça pouvait être que Ambrose? Pierre, par exemple. Bah moi, c'est-à-dire qu'avant le pay-per-view, j'avais dit qu'Ambrose allait gagner et allait cash in dans la soirée, donc Bah moi aussi, c'est ce que j'avais dit. j'étais un petit peu dans le côté un peu prévisible de la chose. J'ai cru un mini moment à Kevin Owens, je ne sais pas pourquoi, et peut-être aussi un très très court instant à Sami Zayn. Enfin, c'est les deux seuls où forcément, vu que tu as une attache plus particulière, parce que c'est des catcheurs avec un potentiel sympathie très fort, où forcément tu te dis, ah, s'il le prend, là, c'est trop cool. Mais non, globalement, je restais quand même très sûr de Dean Ambrose, quoi. D'accord, et toi, Vince? Là même pour Sami Zayn, il y a un moment où il était tout seul en haut et je sais plus qui est monté, je crois que c'est Jericho qui s'est fait un petit peu attendre pour le prochain spot, mais ouais, pareil, il y a un moment je me suis dit, bon bah Sami Zayn va le gagner et ça va faire comme Daniel Bryan dans Zack quelques Ryder mois. à WrestleMania, quoi, un peu sorti de nulle part. Ouais, voilà, mais Je finalement non. pense Mais qu'il y a quand même un plus gros projet avec Sami Zayn qu'avec ouais, Zack Ryder. oui. Il y a plus de potentiel aussi, Non, même mais Daniel moi, Ryder, quoi. honnêtement, au début du match, j'étais sûr à 99,9% que c'était pour Ambrose. Et j'ai vu Del Rio tellement bon que je me suis dit, putain, mais s'ils le mettent autant en avant ou si lui se met autant en avant, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai eu le doute à un moment, quand il commençait à placer tout le monde, à avoiner un peu tout le monde, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pour lui, ça serait cool, parce que. Comme je l'ai dit il y a 5 minutes, je suis quand même assez fan du mec. Et puis ça lui redonnerait vraiment un vrai second souffle. On sait qu'il est adoré par Vince McMahon. Il est important pour le public sud-américain, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui plaidaient quand même en sa faveur, en dehors du fait qu'il est excellent dans le ring. Mais bon, assez rapidement, je me suis dit non, non, ce sera pas pour lui. Voilà. Mais franchement, la prestation, elle m'a tellement marqué de Del Rio que je me suis dit ça peut être pour lui, quoi. C'était un peu bizarre. Bon, sinon, il y a Virgil, enfin, Ergil, pardon, 769, qui dit qu'on parle pas d'Ambrose, qui pour lui était le plus mauvais du combat. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose en gros dans le match. Ce que j'ai pas trop aimé avec Ambrose, c'est qu'il a pris les plus gros spots et finalement il revient à chaque fois, quoi. Du coup, Ouais. niveau psychologie du match, c'est moyen. Bah, Bon, après. globalement, Ambrose, il n'est pas très très bon ces derniers mois, ce qui est dommage parce que c'est là où il prend le plus gros push. Ouais. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Bon, il en a 2 victoires de suite en pay-per-view, ce qui est assez rare. Ouais, voilà. Puis bah, enfin, 3 victoires, du Trois coup. victoires, pardon. Trois Mais victoires. Trois victoires en pay-per-view, c'est quand ouais. même assez rare. C'est dommage, tu vois, de le voir dans sa plus mauvaise dynamique au moment où il atteint le Graal, quoi. Donc, c'est dommage. Oh, mais après, voilà. Bon, après, du coup, on va noter ce match. Moi, pour moi, je lui mets un 8. Parce que pour moi, c'est au-dessus du très bon match. C'est pas encore exceptionnel ou fabuleux, mais c'est au-dessus du très bon match. Voilà. Et je m'attendais vraiment, enfin, j'avais pas envie d'être déçu avec les garçons qu'il y avait. Je suis pas déçu. Et ça, c'est déjà énorme, je trouve. Vu le reste de la soirée, c'est quand même énorme. Vince, toi? Moi, je vais lui mettre un 7 parce que j'ai apprécié le match, mais j'étais pas forcément investi émotionnellement dans le match. Et puis peut-être aussi parce que je me suis fait spoil le résultat par le network. Ah ouais, Merci, ça merci t'arrive. à deux deux. Mais alors du coup, ce qui est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu là où les notes sont traîtres, c'est que du coup, tu mets la même note à un match que t'as apprécié qu'à un match comme John Cena et Digital où tu me dis que t'as pas apprécié. C'est quand même curieux. Ouais, après t'as pas forcément les mêmes attentes pour un match Non, 1 bien contre 1 sûr. que pour un match Ouais. à 6, quoi. Non, mais non, après, t'es libre, hein. Heureusement, la France, en démocratie. Oh. Pardon, excuse-moi, c'est un réflexe en ce moment. Et toi, Pierre, du coup? Moi, je lui mets 8 à ce match parce que c'est le meilleur match de la soirée, à mon avis. Enfin, c'est le match où je me suis plus amusé, sur les participants et tout. Et du coup, ouais, je lui mets un bon 8. Donc on passe au main event, les gars, ça vous va? Yep. Yeah. Donc le main event, donc c'était Seth Rollins qui a battu Roman Reigns presque clean, semi-clean on va dire, comme un mouchoir de Vincent devant YouPorn en 26 minutes. Alors un match où on est passé un petit peu par tous les états, où on avait l'impression que donc du coup Seth Rollins avait du mal physiquement à rentrer dedans et allait se faire un petit peu laminer facilement. Puis finalement il reprend le dessus. Puis finalement Roman Reigns comme d'habitude ne vend pas trop les grosses prises de l'adversaire et reprend le dessus de par son physique pour finalement avoir une genre de fin semi-clean, semi-pas clean. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Donc on peut. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que ça, Pierre? Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ce match, donc je te lance. Ben, enfin, je suis un petit peu coincé entre deux chaises, c'est-à-dire que le match n'était pas constant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, même si, comme d'habitude, Seth Rollins, il est, voilà. tu vois que c'est le mec quand même qui tient la compagnie actuellement sur le ring, quoi. Tu le mets dans n'importe quel match. Enfin, l'année dernière, il avait fait un Royal Rumble, un Triple Threat au Royal Rumble qui était ouf. Là, cette année, il revient. Il fait quand même un match très solide pour un premier match, tu vois, pour un retour. Mais quand même, enfin, je l'ai trouvé moins. Comment dire? Les Moins oppositions. impressionnant que d'habitude, quoi. Tu vois, ouais, voilà. Et y a qu'un truc, quand même. Le contre du Spear en pédigree, il est Ah, exceptionnel. il est fabuleux, ce. Enfin, j'ai joui, quoi. Il est juste un tout petit peu botché, mais Oh il est quand non, même frérot. exceptionnel. Ah, En vitesse c'est réelle, tu chaud. t'en branles, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Non, non, mais à la vitesse où il arrive Roman Reigns, c'est déjà énorme Ouais, d'arriver là. enfin, la fluidité du geste, elle est impressionnante, D'ailleurs, quoi. qu'est-ce que c'est con de pas finir le match sur ça, quoi. Bah ouais, surtout qu'après, il refait un deuxième pédigree, quoi, c'est tout. C'est pas grave de faire perdre Roman Reigns sur un contre Surtout que de Spear. le mec il se prend un pedigree en plein vol, quoi. Bah Donc ouais, c'est super fort, quoi. après ça te prend la barrière de sécurité en fer dans la tronche. Ouais, voilà, Mais enfin, c'est ils en début. font toujours trop avec Roman Reigns, c'est dingue. Ouais, comme avec AJ Styles, quand AJ Styles avait porté son size cash sur les chaises et Reigns avait kick-out à deux, quoi. Ouais, c'est vraiment, ils veulent en faire un monstre invincible, enfin invincible, presque dur à buter, quoi, et enfin presque impossible à finir, et du coup, ça exagère pas mal les choses, quoi. Un contre pareil, tu finis là-dessus. Puis tu laisses la foule profiter, quoi. Tu fais pas un kick out à la con et enfin qui sert à rien au final. Si, il sert à quelque chose, moi je trouve. Il sert, je défends pas parce que je trouve que ça aurait été très bien de finir là-dessus, hein, mais il sert au fait de se dire, ah oh, putain, merde, il va encore s'en sortir, l'autre con. Et en fait, non, juste derrière, Seth Rollins, il gagne quand même. Donc il sert à avoir cette double émotion, en fait. C'est pas Tu vois ce faux. que je veux dire? En ça, c'est intéressant. Après, ça aurait été magnifique, en fait, qu'il y ait un premier pedigree qui se dégage et qu'en fait, Roman Reigns, comme d'habitude, essaye une prise un peu sortie de nulle part et que du coup il se fasse contrer et que ça finisse là-dessus. Ils auraient dû inverser les deux en fait. Ça aurait été très bien hein, d'inverser les deux. Je pense Enfin. ça aurait laissé Roman Reigns tout aussi fort et puis voilà quoi. Ça aurait permis quand même à Seth Rollins de prendre une grosse victoire, ce qui est le cas d'ailleurs. Enfin, il prend une victoire de ouf hein, parce que c'est le premier à battre Roman Reigns depuis qu'il est champion et enfin, voilà Bon, quoi. tout à l'heure tu disais que c'était clean, enfin je sais pas ce que Vince en Semi. pense. Non, mais tout à l'heure tu m'as dit c'est clean. Moi je te dis moi pour moi c'est pas clean parce que en vrai il perd avant, mais comme l'arbitre a été touché, il fait pas le compte comme il faut. Et toi Vince t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut considérer que Seth Rollins l'emporte clean ou pas finalement? Mais en fait, je vois pas comment Rollins peut être encore heel après ce match, parce que il revient de blessure, il te donne un match super en main event. Le Il mec, se fait screw par son ouais pote. voilà, il se fait avoir par Ambrose. Le mec a jamais perdu le titre enfin là, pour moi, il a toujours pas perdu le Ce titre que tu parce es en que train c'est de nous pas. dire, c'est que si tu veux en faire le top face, tu t'en prendrais pas autrement, quoi, c'est Voilà. ça? Sauf que, enfin, je peux Top me fait. tromper, mais vu que il continue à voir Reigns en top babyface, alors que, enfin, ça aurait été tellement logique vu l'attitude du mec de Honnêtement. faire passer Hill et de. Non, mais honnêtement, je suis pas aussi sûr que ça qu'il le voit encore comme un top babyface Reigns. Pour l'instant, oui, parce que bah, c'est sur son règne là, mais je pense que sur à partir de ce soir à Raw, je pense que ça va un petit peu changer. Les cartes vont être rebattues. Je pense que Dean Ambrose va être quand même le top face, on va dire, sur les trois. Et puis Seth Rollins, petit à petit, va devenir, je pense, le deuxième face et de toute Je façon, pense que le ouais. salut pour Reigns passera par un bon règne de champion heel dominant et après faire un face turn assez marquant sur un truc important et là il aura l'appui du public pour moi quoi. Je sais pas s'il y a moyen de sauver Roman Reigns quoi. Bon, pour moi, s'il y a un moyen, c'est celui-ci, c'est-à-dire Ouais, je suis assez d'en faire un d'accord. De toute façon. champion heel hyper dominant pendant assez longtemps, ou pas forcément un champion, mais en tout cas un heel très dominant pendant longtemps. Et faire un face turn un peu sorti de nulle part où il vient sauver un mec qui est adoré du public et puis s'en prendre à quelqu'un d'autre qui est un pour enfin là à ce moment-là tu peux avoir le soutien du public qui aura oublié le fait que la WWE te l'a enfoncé dans la gorge pendant 2 ans quoi. Ah, c'est difficile à faire passer ça. Si, ça passera, ça La passera. pilule est très difficile à faire passer parce que, enfin, j'ai l'impression quand même que les gens, en ce moment, enfin, depuis que, enfin, c'est un syndrome un peu John Cena, quoi. C'est Non, mais John Cena, un cancer ils n'ont jamais difficile, osé quoi. le faire passer, il. Parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de faire passer John Cena Hill. Mais parce que enfin le personnage est à part et il y a pas vraiment de définition face heel quoi, c'est juste le personnage il est comme ça et tu sais qu'il changera jamais. Et là je serais d'accord avec toi pour dire que faire passer Roman Reigns comme le heel de la rivalité ce serait une bonne idée là. Parce que enfin Bah, clairement il aurait il peut de avec la quoi. frustration qu'il a accumulée, il peut péter un câble comme il a fait sur Triple H avec les chaises, il peut s'en prendre à Ambrose ce soir et du coup ça déclenchera. Après bon c'est de la spéculation mais enfin c'est assez facile là du coup avec ce qui s'est passé hier de le faire tourner quoi. Bah d'ailleurs, bon, si c'était aussi prévisible, c'est aussi parce que enfin la WWE a pas non plus 150 000 autres moyens de booker le Triple Threat à SummerSlam, parce qu'elle avait besoin que Seth Rollins batte Roman Reigns pour justifier un rematch, et elle avait besoin que derrière Rollins perde tout de suite le titre pour pas qu'il y ait, enfin pour qu'il y ait tout de suite cette danse du oui enfin je suis champion battu, je demande mon rematch, et mais moi aussi j'étais le champion battu, donc je demande aussi un rematch. Le Enfin problème, c'est qu'il y a Battleground entre-temps, quoi. ouais, mais Battleground, enfin Oui, l'année mais dernière, il avait le été titre, bouche-trou. il va bien être défendu là, quoi. Bah, faire une pause, moi je trouve que c'est pas trop mal. Attendre un petit peu. Non, mais après, ils vont faire un... Moi, enfin, je sais pas. Moi, je ferais un truc du style Seth Rollins contre Roman Reigns pour déterminer qui sera champion, enfin, qui sera challenger à SummerSlam. Et que du coup, ça se termine par un triple threat quand même, quoi. Ouais, Je sais bon, c'est du fantasy booking, quoi, donc. pas. Ouais, on fait Très pas ça, nous, ici. spéculatif. Vince, on fait pas ça, ici. Non, c'est pas Si notre vous truc. voulez du fantasy booking, vous allez sur Catch au quotidien, ou un truc comme ça. Non, mais... Cena et Reigns pour des titres par équipe, je lis. Sinon, moi, j'aimerais bien votre avis sur un truc... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu gâcher la mallette que de la faire encaisser le soir même, sachant que le background qu'il y a entre les trois anciens du Shield aurait fait que... À tout moment, tu peux monter une histoire où il y a un triple threat entre les trois. Il n'y a pas besoin d'avoir la mallette pour ça, selon moi. Et du coup, bah, le fait d'avoir un Money in the Bank et de pas avoir de porteur de mallette avec le côté indécis que ça a pendant plusieurs mois, moi, ça va me manquer un petit peu. Moi, je suis pas d'accord. Bah ouais, non, mais t'es pas, je sais que t'es pas d'accord, mais c'est pour ça que je vais donner la parole à Vince en premier. Mais Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vince? Il a pas écouté. il a Mais... pas désactivé son micro. Voilà, j'avais pas désactivé. Si, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. À l'époque où Kane l'avait fait, il y avait deux mallettes, donc t'en avais quand même une qui restait indécise. Là, je trouve que on passe Money in the Bank et pour moi le troisième pay-per-view ou le quatrième pay-per-view le plus important de l'année. Et du coup, le truc qui fait qu'on aime Money in the Bank, c'est ça, c'est la mallette, le côté indécis que ça Ouais, mais apporte. après, est-ce que si c'est pour la donner par exemple à Damien Sandow et pas savoir quoi faire après, et du coup lui faire Ça, perdre. je suis assez d'accord. Mais là, Pour Damien de... Sandow, il n'y était Je pas. Donc... peux? Non, mais autant que c'est un si c'est un intérêt tout de suite, pourquoi pas? Je peux. Vas-y, vas-y, Pierre. Je trouve que ça a été un des outils de storytelling les mieux usés depuis un certain moment, parce que, en fait, Money in the Bank, ça correspond quand même à l'année dernière, au dernier match qu'a Dean Ambrose pour le titre de la WWE. Derrière, il a sorti une promo où il disait qu'il avait, enfin, où, que quoi qu'il arrive, il reviendrait pour choper le titre de la WWE. Et derrière ça, il a passé une année de merde. Et je trouve que cette soirée-là, faire en sorte que ce soit sa grosse soirée où vraiment il a une grosse victoire, un truc de ouf, ça le légitimise dans la montée. Là où Seth Rollins et Roman Reigns ont tous les deux eu déjà leur gros moment, tu vois. Et je pense que Dean Ambrose, pour s'ajouter à cette rivalité, il avait besoin vraiment de sa grosse soirée, d'un truc vraiment dédié à lui. Et je pense que cette soirée-là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Pardon, ça fait deux fois. La Une fois que tu dis cette soirée-là, je fais Non, c'était Yannick, pardon. Bref, il y a Kinjin, lui, qui est d'accord avec moi. Il dit RIP la mallette, c'est l'objet fun de l'année, c'est déjà fini, c'est dommage. C'est Ouais, un peu mais. ça, moi, qui me gêne. C'est pas Ambrose ou pas Ambrose, je m'en fous de qui gagne. En fait, c'est Mais le tu vois. côté. Et j'aurais aimé aussi que ça cache autrement, quoi. Voilà. J'ai un petit bémol sur la façon dont c'est caché pour la C'est un manette peu dur. C'est un peu dur à gérer parce que tu là. dois garder le côté imprévisible de la chose. Et le faire le soir même, en fait, ça permet de toujours dire Ouais. Sauf aux qu'ils en ont fait une gens. promo à Raw lundi, quoi. Ouais, mais bon, tu Ça, vois, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. c'est toujours mal géré, mais tu vois, ça garde quand même le côté suspense Non, mais du moi, truc. j'aurais bien Quand aimé, est-ce par que exemple, que les deux, ils commencent leur match, enfin, que les deux rentrent. Et que là, t'as Dean Ambrose qui s'assoit, qui vient voir le match avec la mallette sous le bras, et ça aurait apporté un truc indécis au match. Bah ça, tu vois, je le voyais plus par Kevin Owens, ce genre de truc. C'est Ouais, plus mais le truc de Kevin Owens, tu vois, de s'asseoir avec la manette, de regarder les mecs et de dire, allez-y, battez-vous. Tu vois, c'est. Enfin, je trouve que ça colle pas trop au truc de Dean Ambrose de rester à côté. Et... Enfin, remarque, je dis de la ouais, merde. je vois trop Owen se lever pendant le match. Tiens, est-ce que je peux cacher maintenant? Ah, pourquoi pas? Ouais, ce serait, enfin, Owen, ce serait un des mecs qui serait parfait pour la mallette et pour que ça dure, tu vois. Dean Ambrose avec la mallette, Ah si, que bah ça avait si. besoin de Attends, durer. et l'année dernière, il n'avait pas la mallette et il a fait 3 mois avec, quoi. Franchement, il est capable. Faut arrêter. C'était. Avec Ah, Seth ah, Rollins, il y a non, 2 ans, pardon, il y a 2 ans. oui, il y a Non, 2 ans, oui, il y a ouais. 2 ans, excuse-moi. Mais c'était pas avec le titre Non, qu'il c'était avec avait la mallette ouvert. qu'il a mis, qu'il versait des trucs à l'intérieur et tout, là. Ah ouais, il y avait aussi, y a eu aussi le titre. Il l'a volé aussi à Seth Ouais. Rollins. Enfin, il vole tout, hein, Dean Ambrose. On peut Enfin, rien lui le confier. meilleur truc de Money in the Bank qui a été fait de l'histoire, c'est quand même quand CM Punk a la mallette et qu'il hésite à cacher sur Maryse, je crois qu'elle a le titre d'Iva. Je Je trouve m'en que souviens pas de ce ça. truc, il est mythique, quoi. En fait, CM Punk, il a un interview, t'as Maryse qui est à côté en train de discuter avec le titre sous le bras. Et il regarde sa mallette, il la regarde, il regarde sa mallette, et il regarde, je crois que c'est Todd Phillips qui l'interview, et il dit non, je vais quand même pas le faire. C'est débile. C'était franchement, c'était énorme, quoi. C'était l'époque où CM Punk avait des cheveux. Enfin voilà, on va noter juste le premier match, le deuxième ça sert à rien. Et on va noter le main event. Pour moi, je lui mets 7 parce que je le place quand même en dessous du ladder match. J'étais moins emballé, même si j'ai quand même bien aimé le match. Donc je lui mets 7. La même note. 7. Pour les mêmes raisons. Exactement. Bah dis donc, on a couché ensemble ou quoi? Eh oui. Hello to C'était bien. you. C'était un plan à 3 parce que je mets 7 aussi. Ah. Ah, Vince, quand il sait pas quoi mettre, il met 7. Viens, viens, Vince, on est bien. Tu fais peur, Pierre. Ouais. Il Alors faut bien. si, donc on va faire le PP, le MVP de la soirée. Donc moi, sans surprise, je vais mettre Del Rio parce que voilà, quoi, Del Rio forever. Donc MVP de la soirée, Del Rio. Là, tu me demandes un truc de ouf. Donc on va passer à Vince. Le MVP de la soirée. Ouais. Seth Rollins quand même, parce que le mec a une blessure où il était écarté pendant 6 mois des rings et le mec revient et te fait un match. C'est vrai que d'ailleurs, en plus, j'ai bien aimé quand il reporte la prise sur laquelle il s'est blessé. Il fait vachement attention. Le public a l'air de se lever pour dire, ouais, il retente. Enfin, il veut conjurer le sort. C'était pas mal quand même de rejouer là-dessus. C'était pas mal. Ils ont vu le documentaire qu'ils ont fait sur le network W24 sur Rollins. Tu vois que le mec hésite, il n'est pas du tout sûr de son genou quand il remonte sur le ring pour tester un peu. Et il dit, j'ai trop peur de faire le pedigree parce que j'ai l'impression, j'ai, enfin, je suis pas sûr, quoi. J'ai l'impression que si je le fais, ça a pété, quoi. Ah ouais. Ah, c'est vrai que ce documentaire-là, si vous avez le network, on vous le conseille. Et si vous l'avez pas, on vous conseille de vous le procurer illégalement. Non, je rigole. On vous conseille de vous abonner au network et de le regarder parce que c'est vraiment cool. Et Pierre, donc du coup, le MVP de la soirée? Alberto Del Rollins, Seth Rollins. Allez, c'est trop bien, ça marche. Et puis le loser de la soirée, pour moi, ça sera Titus O'Neil. Le Bah, bourrico, on va l'appeler le bourrico. Rousseff l'a dit, hein, c'est le loser de la soirée. Ah ouais, franchement, le bourrico Donc... de la soirée, c'est Titus Pourri, O'Neil qui est quoi. en train de reprendre le titre de bourrico à Ryback. Donc rien que pour ça, franchement, on peut lui tirer notre chapeau et le noter comme le bourrico de l'année. Donc bon, on va passer aux notes, hein. À moins que Vincent avait un autre Bon, les... aux notes globales du pay-per-view global. Bon, moi, je lui mets un petit 6. Je sais pas vous, mais moi, je lui mets un petit 6. Bah, Vincent. Vincent. Un petit 6,5, parce que c'est agréable à voir quand même. Enfin, il n'y a pas D'accord. eu de match En fait, moi, il y qu'on... a trop de mauvais matchs pour que je mette une meilleure note, en fait. C'est vrai. Ça... Non, mais après, les gros matchs n'ont pas Les gros été... matchs sont pas décevants, c'est vrai, mais... Enfin, aussi un petit peu quand même, mais je veux dire, c'est pas des mauvais matchs, quoi. C'est pas des Rusev, Cena Ouais. ou Et toi, Pierre? autre. 6,5 aussi. Donc 6,5 aussi. Donc divisé par 3, ça nous fait une moyenne de 6,33333. Ce qui n'est pas si mauvais que ça, hein. On a déjà vu des pay-per-view pires que ça. On en avait déjà pay-per-view mieux que ça. Mais je pensais honnêtement, en début de retransmission, quand nous étions dans les studios de Cognac G, je pensais qu'il y aurait quand même une meilleure note que ça. Et puis finalement, au fil de la soirée, en revivant les matchs, si tu veux, en ayant la liste sous les yeux et tout, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui servaient à pas grand-chose, en fait. Pas mal de déchets, ouais. Ouais. Bon, ben ça nous fait quand même bon, une bonne petite moyenne. Le prochain Late Night Wrestle aura lieu le lendemain de Battleground, qui me semble est le 24 juillet, donc ça veut dire lundi 25 juillet, si mes comptes sont bons. Ça semble correct. Ça semble correct. D'ici là, je pense qu'on vous sortira l'interview de GGG qu'on a eu l'honneur de recevoir il y a quelques jours. On dit, bon, on peut même dire il y a quelques semaines. Brooklyn, Brooklyn. Ouais, non, c'était une interview franchement super cool, un peu second degré. C'est un truc agréable. On a pris un peu de temps avec l'Euro de foot et tout pour la monter. Et là, elle est bientôt prête, donc on vous servira ça dans les jours ou dans les quelques jours qui arrivent. D'ici là, on va peut-être faire, vu que ça aura lieu avant, un catch-moi si tu peux sur le brand split, parce qu'on s'était plus ou moins mis d'accord. Ça a Ouais, l'air ça va être d'avoir lieu juste le avant. 19 juillet, c'est ça, hein? Ouais, c'est Le juste premier avant. SmackDown en live. En fait, du coup, le draft aura lieu à SmackDown pour la première fois. Enfin, uniquement à SmackDown, apparemment, pour la première fois. D'habitude, c'était un peu à Raw, un peu à SmackDown. Et là, c'est uniquement à SmackDown. Et ça, c'est cool. De donner déjà une exposition assez importante à SmackDown, c'est déjà cool. Voilà, on est d'accord. On fera un petit 4 mois si tu peux là-dessus pour savoir exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'on en pense, etc. Oui, Ouais. si c'est possible, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, on fait un gros big up à notre Tristan Archer qu'on a reçu il y a pas longtemps. Une interview qui était assez cool où il nous parlait déjà du fait qu'il aimerait bien rejoindre la WWE. Et pour lui, c'est par la petite porte, c'est pas encore NXT, mais c'est fait quand même, ou parce qu'il a signé. En tant que Clément Petiot, il défendra les couleurs de la France, lors du CWC, c'est-à-dire le Cruiserweight classique. À mon avis, pour les gens qui se montrent, il y a un petit contrat à pécho, quoi. Mieux que Money in the Bank, il y a un contrat à WWE à pécho, je pense. Donc ouais, il y a quand même des gros noms, hein, dans ce tournoi. Il y a Gargano, il me semble, non, c'est ça? Ouais, il y a Zack Sabre Junior, il y a Zack Corey Sabre, j'avais Graves. Graves. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a Il y du a monde, Taz Dupuis. franchement, rien que pour le kiff qu'il va avoir de. Non, Pardon. mais rien que pour le kiff qu'il va avoir de faire sûrement des matchs de fou contre des mecs de fou, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Et puis un bon big up quand même à Tom Laroufa pour son premier pay-per-view à la TNA. Première victoire en pay-per-view d'ailleurs. Puis voilà, premier match du championnat le lendemain à Impact. C'est quand même assez cool pour lui. Donc on espère que Basil Baraka aura une longue carrière à la TNA. Qu'il aura la baraka. Qu'il aura la Baraka. D'accord. C'était non. Donc les grosses têtes sont dans la place. On vous souhaite à tous une bonne soirée si vous nous écoutez en live, une bonne journée si vous nous écoutez en podcast, et n'oubliez pas, Wrestles for Life. À bientôt les gars. Salut. À bientôt.